Voici votre bulletin régional. Le 19 novembre, à 17h30, aura lieu le souper de Noël du chaînon d'amitié de Hastings à la salle du Chevalier de Colomb. Réservation auprès de Pierrette Tremblay.